Oui. Et donc sur mais au car de donc car vers mais pour donc hors de oui pour et donc en sur vers oui au car mais de et donc mais car vers oui mais et pour donc hors et de oui pour et donc en sur vers oui au car mais de et donc mais car Téléemploi, la chaîne de l'information pour l'emploi et la formation. Sur la cinquième chaîne, de 7h à 19h du lundi au vendredi et de 12h à 19h samedi et dimanche. L'actualité, la débrouille, les offres d'emploi. L'information à votre service, c'est InfoService à 12h et 17h30. Un feuilleton traité avec humour, deux jeunes gens préparent leur réinsertion. Suivez leur parcours, c'est tous les jours dans Bouge-toi à 13h20. Les initiatives en faveur de l'emploi, le témoignage des Français en direct, le journal des régions, une région un jour à 14h30. Enfin, programme à la demande à partir de 15h45. Infoservice à 12h et 17h30. Bouge-toi à 13h20. Une région un jour à 14h30. Programme à la demande à 15h45.